Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. We are welcoming Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we continue by how to live by Christ's faith. Heute geht es weiter mit wie wir im Glauben von Jesus Christus leben. On va continuer avec notre sujet qui est comment vivre dans la foi de Jésus-Christ. And also today is our Thanksgiving Day. Und heute ist auch unser Danksagungstag. C'est aussi notre jour d'action de grâce. A reminder of today, you know, of the Lord is for us and not and never against us. Eine Erinnerung daran, dass der Herr für uns ist und nicht gegen uns. Amen. Un rappel pour nous qui montre que l'Éternel est toujours pour nous et pas contre nous. A reminder of saying 4:4. Amen. Eine Erinnerung, dass wir 4:4 sagen. Un rappel à réciter Philippiens 4:4. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Please. Let's go to Galatians 2. Galatians 5. Amen. Galatians 5. Christ's faith, the faith of Christ Jesus. Der Glaube von Christus Jesus. La foi de Jésus Christ. Never forget Christ Jesus. Vergisst Jesus Christus niemals. Amen. N'oubliez jamais Jésus Christ. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Praise the Lord. Hallelujah. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Praise the Lord. Hallelujah. I am crucified with Christ. Ich bin gekreuzigt mit Christus. It means you are now another person. Das heißt, du bist eine neue Person. Amen. J'ai été crucifié avec le Christ, mais et si je vis? Ça veut dire que tu es maintenant une nouvelle créature, une nouvelle personne, maman. We will also talk about concerning another person that you are today. Wir werden heute auch darüber sprechen, über die neue Person, die du heute bist durch Christus. Et on va aussi parler de la nouvelle personne que tu es à travers le Christ aujourd'hui. Here, the writer of Galatians says, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Hier sagt der Schreiber, ich bin gekreuzigt mit Christus, aber dennoch lebe ich. Ici, l'auteur de la lettre de Galate dit que j'ai été crucifié avec le Christ et si je vis. He said, yet not I, but Christ. Are you getting it? Aber I live, but no longer the old life, but the new life. Ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern es ist Christus, der mich durch mich hindurch lebt. Das Leben von Christus. Amen. J'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça nous fait voir qu'il est une nouvelle créature à travers le Christ lui-même, parce que c'est le Christ qui vit à travers lui maintenant. He said, but not I, but Christ liveth in me. Mm-hmm. And now how, you know, we are no longer, you and Christ, you are no longer two, but one. Du und Christus, ihr seid nicht mehr zwei, sondern eins. Toi avec le Christ, ça veut dire que vous êtes plus deux, mais un. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Praise the Lord. Can you see the change? C'était die Veränderung. Vous pouvez voir le changement. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. It is not only the inside that is changed, also the outside. Nicht nur das Innere hat sich geändert, sondern auch das Äußere, beide Seiten. Donc ce n'est pas seulement l'extérieur qui a changé, mais aussi l'intérieur. C'est les deux côtés. It means your spirit, your soul, and your body. Geist, Körper und Seele. Ça veut dire que ton esprit, ton âme et ton corps ont changé. He said, who loved me and gave himself for me. Der mich geliebt hat und der sich für mich selbst gegeben hat. Amen. Mm. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Praise the Lord. Alléluia. He is our reminder. You know, he is the one we are to remember. That is Christ Jesus. Er ist derjenige, an den wir uns erinnern sollen, Jesus Christus. Jésus Christ est la personne à qui on doit se rappeler. And don't, please don't forget. Yes, I want us to go here. Rewarder. Der uns belohnt. He is a rewarder. Er belohnt. C'est lui la personne qui répond, qui récompense. And we must believe it. Das müssen wir glauben. Et on doit y croire. You know, we fight against this word reward. We don't like it. Kämpfen gegen dieses Wort Belohnung. On rejette ce mot récompense dans le monde. Amen. Mm. It's not, you know, everything of him, they are different. Alles von ihm ist anders. Mais on doit être conscient, on doit savoir que tout ce qui vient du Christ est différent. If you see that of the system of this world, you will hate it. Mm. We're learning to see him. Das System der Welt, dann wirst du das hassen, aber seh es so wie, also schau auf Jesus Christus. Regarde plutôt sur le système de Jésus-Christ et pas le système de ce monde, parce que si tu vois ça, si tu vois le système terrestre, si tu vois ça charnellement, tu vas le détester. And if you do not see that of Christ, you are full of pride. Und wenn du nicht das System von Christus siehst, wirst du voll von dir selbst sein, du wirst stolz sein. Si tu vois pas le système du Christ, si tu vois seulement le système du monde, tu seras rempli d'orgueil. We quickly go through this rewarder, then we go to the to something. Go to Hebrew 11, please. Hebrew 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please him. For he that it did not say it is difficult to please him, but it's impossible. Do you see that? Hier steht nicht schwierig, sondern hier steht unmöglich. Hébreux 11, 6. Il est écrit que c'est impossible. Donc, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'a pas dit que c'est difficile, mais c'est impossible. Are you getting it? He said, without faith, it is impossible. Without Christ, it is impossible to ohne please Christus God. Ist es unmöglich, the only true God, without Christ. Amen. Donc, ça nous fait voir que sans le Christ, c'est impossible de suivre le seul vrai bon Dieu. Without believing Christ, you cannot please the only true God. Ohne Jesus zu glauben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Amen. Sans avoir foi en Jésus-Christ, c'est impossible d'être agréable à Dieu. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Praise the Lord. He said you must. It's a command. Er sagt, du musst, es ist ein Befehl. Il dit que tu dois, c'est un commandement. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Praise the Lord. Alléluia. And you know, sometimes when the Lord is speaking, he talks about his reward. Sometimes he will not say it. Wenn der Herr spricht, spricht er über seine Belohnung, aber nicht immer. Et quand l'Éternel nous parle, il parle de temps en temps de sa récompense, mais pas toujours. Amen. You know, once the Lord knows that you come to him, he wants to help you. To because the world system, they are after reward so much. Das Weltsystem ist hinter Belohnungen her. Dans le système terrestre, dans le système mondaine, les gens ils cherchent toujours à être récompensés, rémunérés. And that's why when Jesus came, he used miracles. Deswegen, als Jesus Christus gekommen ist, hat er Wunder genutzt, um die Leute sozusagen anzuziehen. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ était ici sur terre, il a utilisé des miracles pour les ramener vers lui. Amen. You know, without miracle, none of his disciples will even come. Ohne Wunder wären noch nicht mal seine Jünger ihm gefolgt. Parce que sans les miracles, sans ces miracles, même ses disciples n'auraient pas suivi Jésus-Christ. You know, there's a place that Peter said increase our faith. You know, when he was after the fish business, are you getting it? The pulling of the fish, he said, you know, they even use miracle. Even Peter himself will not come to Jesus Because the system of this world is full of reward. Und selbst Petrus selbst hatte gesagt, dass er den Herrn darum bittet, seinen Glauben zu mehren, nachdem nachdem der Herr die Fische sozusagen in das Netz geführt hat. Und so ist das System dieser Welt, dass die Leute durch Belohnungen halt folgen oder glauben. Et même Pierre, après avoir vu que Jésus-Christ avait l'avait aidé à attraper tous ces poissons, il a quand même dit que il a quand même demandé à Jésus-Christ de augmenter sa foi. Donc c'est ça le problème, parce que le monde est tellement habitué à être rémunéré, à avoir des récompenses afin de croire. Et c'est la même chose aussi avec Pierre, par exemple. Praise the Lord. Et Genesis 12. Let's go to Genesis 12. Genèse 12. Praise the Lord. Alléluia. Genesis 12. Genèse 12, de 1 à 4. Amen. Amen. Are we there, please? Mm-hmm. It said, now the Lord has said unto Abraham, guard the heart of your country, and from thy kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation. Can you see, after telling him where to go, he started talking about reward. You see the reward there. Mm. Nachdem er ihm gesagt hat, wohin er gehen soll, hat er ihm von der Belohnung erzählt. Mm. Mm-hmm. Amen. He's telling because the world system can understand the language of reward. Weil das Weltsystem versteht die Sprache der Belohnung. Et on peut voir ici dans verset 1 et 2 que même Abraham a dû l'Éternel a dû faire voir OK sa récompense qu'il aura quand il va quitter la patrie de ses pères, la terre de ses pères. Donc même Abraham a dû On a dû faire voir à Abraham aussi sa récompense, sa rémunération. I'm getting it. Mm. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make your name great, and thou shalt be a blessing. Can you see reward? C'était des belonging here. Vous pouvez voir ici la récompense. Are you getting it? Mm. Then in verse 3 also. And verset I will 3. Bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed, as the Lord has spoken unto him. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Mm-hmm. Is somebody getting it? Mm-hmm. Then if you go to Genesis 22 and see the maturity. No, now Abraham does not need... And it's not matured enough. Is somebody getting it? Wenn wir dann die Reife sehen, also die Abraham dann halt beweist, weil er jetzt sozusagen ohne Belohnung einfach handelt. Et dans on va lire Genèse 22 et là on pourra voir que Abraham est maintenant plus mature en Jésus-Christ, en Dieu pardon, et qu'il a plus besoin de récompense. From verse 1 to 3, please. De 1 à 3. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. This time his name is Abraham, not Abram. You see the difference? Mm. Before this time it was Abram, and now it's Abraham. Hier ist der Name Abraham, und früher war das Abraham. Abraham. Okay. Und okay. Und hier, seine Name wurde verändert zum Namen, der jetzt besagt Vater vieler Völker. Et on peut voir ici que son nom n'est plus Abraham, mais Abraham. Donc on peut voir qu'il était maintenant plus proche de l'Éternel et qu'il était devenu déjà le père de beaucoup de nations. and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Verse 2. Verset 2. And he said, Take now your son, your only son, Isaac, whom thou lovest, and guide thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Then verse 3. You know, there's no reward here. Hier ist keine Belohnung. Is somebody getting it? Mm. God did not mention any reward. Yeah. Mm. Et ici, on peut voir que Jésus-Christ, Dieu n'a pas parlé de récompense. Il a seulement donné un ordre et il a pu parler de récompense ici. And Abraham rose up early in the morning and saddled his axe and took two of his young men with him and Isaac, his son, and cleared the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Praise the Lord. Alleluia. He obeyed. Er hat gehorcht. Il a été obéissant. Il a obéi. There is the natural reward. Es gibt die natürliche Belohnung. Et il y a une récompense naturelle. And there is the supernatural reward. Und es gibt die übernatürliche Belohnung. Et il y a une récompense surnaturelle. And again, so many times we have problems with this word reward. Und oft haben wir Probleme mit diesem Wort Belohnung. Et on a souvent des problèmes avec ce mot récompense, rémunération. Because we always see properties. Wir immer Besitz like sehen, money, Geld, out, car. Häuser, Autos. Are you getting it? Mm. Parce qu'on voit toujours des choses mondaines, donc des maisons, des voitures. Amen. Mm-hmm. And because of the system of this world, how they have abused it. So wegen dem System dieser Welt, abused. Wie es missbraucht wurde, dieser Begriff. Amen. It's the turn to bribing and corruption, even more greater. Are you getting it? Und es wird so missbraucht. People never do things without expecting reward. Dass es dann halt zu Korruption geführt hat, dass Leute nichts mehr machen, ohne belohnt zu werden dafür. Mm-hmm. Et c'est pour ça que aujourd'hui dans ce monde, personne ne veut faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre pour sans avoir une récompense. Salvation is a reward. Errettung ist eine Belohnung. Mais le salut est aussi une récompense. Christ's spirit now live inside your spirit is a great reward. Dass der Geist von Christus jetzt in deinem Geist lebt, ist eine Belohnung. Que l'esprit de Dieu et maintenant, avec ton esprit, c'est une récompense. Baptism of the Holy Spirit is a reward. Taufe des Heiligen Geistes ist eine Belohnung. Et le baptême du Saint-Esprit aussi est une récompense. Amen. That's why you are saved. That's why you are baptized in the Holy Ghost. You are not going to be baptized in the Holy Ghost. You are not expecting it. Is somebody deswegen bist du auch errettet und deswegen bist du auch schon getauft. And not give me. Es ist nicht etwas, worauf du hoffst, sondern es ist etwas, was schon passiert ist. Und deswegen ist es ein Zeugnis und kein Gebetsanliegen. Can you repeat it, please? Die Taufe und die Wiedergeburt sind Belohnungen und sind Dinge, die schon passiert sind. Es sind nicht Dinge, auf die du hoffst. Mm. Donc, ton salut et le baptême du Saint-Esprit sont des récompenses. Donc, c'est quelque chose qui est fait et pas quelque chose que tu dois attendre ou que tu espères. Yeah. There is what is called heavenly reward. Es gibt eine himmlische Belohnung. Il existe aussi une récompense divine. Amen. Amen. The babies in Christ. The babies in Christ, they need more help. They need help. Leute, die noch jung und frisch im Glauben sind, die brauchen mehr Hilfe, brauchen noch eine Stütze. Mm. Et les gens qui sont nouveaux dans le royaume des cieux, les gens qui sont pas encore matures, ils ont besoin d'aide. Are you getting it? And that's why you know God used it for Abraham. I will bless you. I will. You understand me? It's young. Deswegen, als wir eben in 1. Mose 12 waren, hat Gott das bei Abraham benutzt, um ihm zu helfen, ihn zu stützen, weil er da noch jung war, sozusagen. Et c'est la raison pour laquelle, quand Abraham était encore Abraham, l'Éternel a utilisé cette récompense pour l'aider à comprendre des choses, pour le motiver, on peut aussi dire. Amen. Amen. And when the disciples also, Mark 10, and they were young. Let's go to Mark 10. Mark 10. Somebody got in it. Amen. Mark 10. Mark 10. Let me see where to start from. Mark 10. From verse 28. Mark 10, verset 28. Are we there, please? I hope you can see the reward already. Ich hoffe, ihr könnt hier schon die Belohnung sehen. Markus 10, 28. J'espère que vous pouvez directement déjà voir la récompense. You know, Peter, they must believe Christ. If not, they cannot follow him. Petrus und die anderen, sie mussten Christus glauben, sonst hätten sie ihm nicht nachfolgen können. C'est obligatoire de croire en Jésus-Christ pour pouvoir le suivre, sinon c'est impossible de suivre Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. He loved us so much, he rewarded us with his own self. Er liebt uns so sehr, dass er uns mit sich selbst belohnt. Amen. Amen. Il nous aide à tel point qu'il nous récompense avec lui-même, avec sa personne. Amen. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. We have left all. And have followed thee. Then the reward. Can you see 29? And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, brethren, sister. You can see it. But he shall receive 100-fold now in this time. You can see the reward. Is it below? And he said, you must believe that he is a rewarder of those who diligently seek. Und er sagt, wir müssen glauben, dass er die belohnt, die ihn kontinuierlich glauben und folgen. Donc, on peut voir que Pierre avait dit que ils ont tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus-Christ lui a répondu, je vous dis, en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, et ainsi de suite, sans le recevoir de retour 100 fois de plus. Donc là déjà on peut voir que peu importe qui suit Jésus-Christ, c'est jamais en vain, c'est jamais sans recevoir sa récompense à lui-même. Praise the Lord. You know, Peter said we left all. Petrus sagte, wir haben alles verlassen, zurückgelassen. Pierre a dit qu'ils ont tout quitté. Jesus said, there is heavenly reward. If you... Blessed. Are you getting it? There is heavenly reward. Aber Jesus sagt, es gibt eine himmlische Belohnung, wenn ihr alles zurücklässt. Donc Pierre a dit qu'ils ont tout quitté. Jésus-Christ lui a répondu qu'il y a une récompense divine. Amen. Amen. You know, reward is important for young ones, especially. Die Belohnung ist wichtig für die Leute, die jung sind im Glauben. To help the young ones to move on. Damit die Jungen weitergehen. Because they can only understand the system of this world. Are you getting it? That's why Jesus have to use miracle to draw them in, to draw them in. But we go to somewhere else now. Can you see it? Du musst das Ende nochmal machen und dann machst du den komplett. Ok, je vais faire la chute comme ça, là. Donc, il y a des récompenses en Jésus-Christ, il y a des récompenses divines. Et c'est vraiment important pour les gens qui sont encore jeunes dans la foi, les gens qui ne sont pas encore matures dans la foi, pour les aider au début à continuer avec l'Éternel. You know, when we go to, you know, if you are preaching to people, you say, you know, so many times they tell me they are depressed. I say, why don't you come to Jesus? I'm telling them that there's reward in Christ's heaven. Wenn Leute sind, so that you will not live that life any longer. You will not be depressed any longer. Because once you seek him, it's a reward of those who diligently seek. There's no depression in heaven. There's no depression in heaven. Wenn Leute depressiv sind und halt nicht gläubig sind, dann predige ich. Also ich predige zu den Leuten und sie sagen, sie sind depressiv. Dann sage ich ihnen, wenn sie zu Christus kommen würden, wäre diese Depression weg. Und das ist auch eine Art von Belohnung, dass wenn ihr ihn hättet, dann hättet ihr diese Sache nicht. Et par exemple, quand je parle avec des gens, ou quand je prêche avec une personne qui me dit par exemple qu'elle est dépressive, je lui dis de venir vers Jésus-Christ et elle aura plus ses dépressions, parce qu'il n'y a pas de dépression dans le royaume des cieux, dans son système, il n'existe pas de dépression. Et ça, c'est la récompense pour cette personne. Donc de venir vers Jésus-Christ, tu vas être récompensé et tu vas être guéri automatiquement. Praise the Lord. Hallelujah. It is like a child crossing the road. You know, we want to teach a child how to cross the road to the other side. You tell that child, if you don't look at this side, look at this side. The mother will say, if you don't look at this side, look at this side, I will beat you. He will not say, the car will kill you. That child does not know what is kill. Mm-hmm. But he knows what is, I will beat you. Mm-hmm. But when that child is now 30 years, he will not say, my mother will beat me. Mm-hmm. Because if he say, my mother will beat me, that child will have a problem. And that man or that woman have a problem. Are you getting it? Mm-hmm. Now that person, I know that the motive is not my mother will beat me, but so that I will not be killed. Das ist so, wie wenn man seinem Kind beibringt, dass wenn es über die Straße geht, soll es nach links und nach rechts schauen. Und wenn es beispielsweise ein sehr junges Kind ist, sagst du, guck bitte nach links und nach rechts, sonst ne, klatsche ich die eine beispielsweise. Und das Kind wird dann nach links und nach rechts gucken, weil es dann wahrscheinlich Angst hat davor, dass es halt eine Klatsch bekommt und nicht, weil es verstanden hat, dass wenn es von einem Auto angefahren wird, in einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Luft fliegen wird. Na, das, so ein Kind kann diese Sachen nicht verstehen, das kann es noch nicht greifen. Deswegen sagt man dann eher, okay, wenn du das machst, dann na, kriegst du eine Klatsch. Und irgendwann ist das Kind irgendwann groß genug, alt genug, ein erwachsener Mensch, der dann versteht, okay, ich soll nicht nach links und nach rechts gucken, weil ich sonst, keine Ahnung, eine Klatsche bekomme von meiner Mutter, sondern ich soll nach links und nach rechts gucken, damit ich nicht angefahren werde. Und so ist es halt auch mit dieser Belohnung, dass diese Belohnung in jungen Jahren Christus halt gut ist, aber irgendwann verstehst du, dass es nicht um die Belohnung geht, sondern es geht um Christus selbst. Amen. Et on peut aussi comparer avec une mère ou un père qui apprend à son enfant à traverser la rue. Donc, le père va peut-être dire à son enfant, si tu regardes pas à gauche, à droite avant de traverser, je vais te taper. Et il dit ça parce qu'il sait que son enfant ne va pas encore comprendre ce que ça veut dire d'être mourir ou d'être cogné par une voiture. Mais il sait ce que ça veut dire si son père lui dit qu'il va le frapper. Et quand cet enfant sera adulte, il va regarder à gauche ou à droite, pas parce qu'il a peur d'être frappé par son père ou par sa mère, mais plutôt parce qu'il connaît les conséquences maintenant d'être connu par une voiture. Et c'est la même chose aussi avec la foi. Au début, l'Éternel te montre les conséquences ou il montre ta récompense, mais quand tu es assez mature dans la foi, tu sais toi-même qu'il ne s'agit plus d'être récompensé comme le monde le comprend, mais plutôt d'être dans sa présence, d'avoir Jésus-Christ en soi-même. You know, Jesus, when he came, he used the natural a lot to teach us things of supernatural. Because we can only get that natural things. We are used to the natural things. Als Jesus gekommen ist, hat er oft das Natürliche benutzt, um uns das Übernatürliche zu erklären, weil wir als Menschen eher an das Natürliche gewöhnt sind, natürlich. Et quand Jésus-Christ était ici sur Terre, il a beaucoup utilisé des choses terrestres, des choses mondaines, pour nous expliquer des choses de son royaume, des choses surnaturelles, parce que l'être humain est habitué aux choses normales, aux choses de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. You know, a sower sowed the word. Amen. A sower. He used the farming. He used it a lot to help us because he knows the system of this world. Then he always wants to use it so that we can understand the things of heaven. Auch bei dem Beispiel in Matthäus 13 mit dem Seher, der den Samen sät, das hat er auch genutzt, damit wir das übernatürliche System besser verstehen können, greifen können. Mm-hmm. Par exemple, quand il nous donne des exemples reliés à l'agriculture, c'est pour nous faire comprendre des choses surnaturelles. It is like something to motivate you, to help you until it becomes your lifestyle. Ist das was dich motivieren soll, bis es dann zu deinem Lebensziel wird. Mm-hmm. c'est quelque chose qui doit te motiver jusqu'à quand ça devient naturel, pour que, jusqu'à quand ça devient ta manière de vivre. You know, in Matthew 11, when John the Baptist sent his disciples to Jesus and asked, are you the one we have been waiting for, or should we wait for another? You know, Jesus did not pet John the Baptist. Are you getting it? There was not, you are the greatest. Are you getting it? Yeah, because you know the maturity of John the Baptist. Is somebody getting it? Auch in Matthäus 11, als Jesus, als Johannes den Jünger losgeschickt hat, um Jesus zu fragen, ob er derjenige ist, auf den sie gewartet haben oder ob sie auf jemand anderen warten sollen. Daraufhin hat Jesus Christus nicht so geantwortet, dass er schmeichelnde Worte genutzt hat, um Johannes zu zeigen, dass er zu den Größten gehört und dass er auf dem richtigen Weg ist, sondern er hat ihn auf das Wort verwiesen, und das hat er getan wegen seiner Reife, und deswegen konnte er ihn so belehren, sozusagen, zurechtweisen, auf diese Art und Weise. Quand Jean-Baptiste, par exemple, il a envoyé ses disciples chez Jésus-Christ pour lui demander s'il est vraiment le Messie, s'il est vraiment la personne qu'ils attendaient, Jésus-Christ lui a répondu avec l'évangile, avec la parole de Dieu, parce qu'il savait que Jean-Baptiste était assez mature pour comprendre ce qu'il avait à dire. Il n'avait plus besoin de le dorloter ou lui donner une récompense ou quoi que ce soit pour qu'il puisse comprendre la vérité, plus qu'il puisse repentir. You know, if you see the comparison between that of John the Baptist and Mark 10, where Jesus said to when Peter said we left all, and you can see Jesus measuring reward. But that of John, it was as if there was nothing reward. There was nothing to motivate. Are you getting it? Amen. Amen. Because you know, once it comes to baby, you use it's not using evil to motivate them. Use the truth also to help them. Are you getting it? No, both are truth. But one is more deeper. It's like when we started this ministry. There are a lot of things that I did not even know that he's now revealing to us. It's like, I'm commissioned. It's like if you are in secondary school, most of the things you are learning in university, they are what you have learned in secondary school, but it's not deeper. Are you getting it? You are not, what you are not learning in university, they are now deeper, but most of them, you have learned them before. But that is how the kingdom of heaven is also. For the babes and for the mature. Wir sehen den Unterschied zwischen, wie Jesus zu Petrus gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass wer alles für mich verlässt, wird es um ein Vielfaches zurückbekommen. Aber dann sehen wir halt den Kontrast zu der Art und Weise, wie er halt Johannes belehrt hat, dass er ihm halt nicht geschmeichelt hat oder nicht von einer Belohnung gesprochen hat, sondern eher einfach nur ihn auf das Wort verwiesen hat. Und da sehen wir, dass je nach Reifegrad der Herr dann halt zu einem halt auch spricht und einen halt auch verbessert. Und genauso auch in dieser Gemeinde haben wir das ja auch gesehen, dass wir am Anfang viele Dinge nicht wussten, aber dann der Herr sich immer, dass wir nach einer Zeit mehr und mehr erkannt haben. Keine Ahnung, ich habe das falsch verstanden. Nein, dass sie halt reifer wurden, dass sie halt mehr Offenbarung bekommen haben. Ach so, okay, ja. Ja. On peut voir que quand on compare l'exemple de Pierre et de Jean-Baptiste, par exemple, quand Pierre lui a posé la question, Jésus-Christ lui a donné la vérité, mais lui a aussi montré l'aspect de la récompense. Mais quand il a parlé à Jean-Baptiste, il lui a seulement référé à la parole de Dieu. Donc on peut voir que si tu as un certain niveau de maturité en Jésus-Christ, en Dieu, on va te donner la vérité sans, et te dorloter n'est plus nécessaire. C'est comme ici par exemple, au début quand on a commencé ce ministère, il y avait beaucoup de choses que l'Éternel m'avait donné, mais pas en profondeur comme aujourd'hui. Parce que tu as besoin de grandir en lui afin de plus le comprendre, de pas de, de recevoir plus de révélations. I hope you understand what. Amen. Amen. What Christ called beginner and what he called maturity is not what man called beginner and maturity. Was Christus Anfänger und Reife nennt, ist nicht das, was diese Welt Anfänger und Reife nennt. Mm. Ce que le Christ appelle les gens qui commencent et les gens qui sont matures n'est pas comparable à ce que le monde appelle des bébés, des adultes, par exemple. Remember, I said the first shall be the last and the last shall be the first. It's not about time. How long you have been in the church? Es geht nicht um die Zeit, wie lange du in der Gemeinde sitzt. Rappelez-vous, la Bible nous dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, on peut voir ici que il ne s'agit pas du temps ou du temps que tu es dans l'église par exemple. Amen. And also, it is not about somebody that is new here the first time. The Holy Spirit will just make everything. Sometimes to drop somebody that is new here the first time, it is so harsh how the Holy Spirit will speak to him or her. Und man kann es auch nicht verallgemeinern und sagen, okay, weil diese Person jetzt den ersten Tag hier in der Gemeinde ist, deswegen redet man noch ganz zahm zu ihm, sondern der Heilige Geist kann durch einen dann auf einmal noch härter sprechen zu Leuten, die schon jahrelang hier sitzen, weil der Heilige Geist eben weiß, was diese Person braucht. Mm. Et c'est, ça veut pas dire que, donc ça nous fait voir que si une personne, par exemple, écoute pour la première fois le message ou la première fois ici dans cette église, par exemple, le Saint-Esprit peut agir de différentes manières. Soit il va lui donner la vérité cash en face, qui peut être aussi un peu dur ou amer, tout comme il peut aussi apprendre ou révéler des choses à cette personne d'une autre manière qui est un peu plus douce. Praise the Lord. Hallelujah. You look at Jesus, you know, he always called his disciples. Later he explained it to them, but to others, no. Auch wenn wir uns Jesus anschauen, er hat immer seine, danach, nachdem er gesprochen hat zu der Menge, hat er seine Jünger zu sich geholt und dann erklärt. Und dann ist er tiefer gegangen, hat das besser erklärt, weil es einen Unterschied gibt. Mm. On peut aussi voir, à l'exemple de Jésus-Christ, quand il prêchait à la foule, par exemple, après avoir prêché, il prenait ses disciples de côté et là, il commençait à expliquer le message qu'il a prêché. Donc, on peut voir qu'il a toujours différencié. Amen. Amen. Christ is our rewarder. But heavenly reward ist unser Belohner. Of heaven. Amen. And not of earthly reward. Mm. Mm. Aber er belohnt uns mit himmlischen Dingen, nicht mit irdischen Dingen. Mm. Donc le Christ est la personne qui nous récompense, mais nous récompense avec des choses du royaume des cieux, avec des choses divines, mais pas avec des choses terrestres. If you look at the disciples, they did not give their car, house. I don't know if you are getting it. Mm. It was all about him. Wenn du dir die Dinge anschaust, er hat ihnen nicht als Belohnung Häuser oder Autos oder Dinge gegeben, sondern sich selbst. Er ist ihre Belohnung, er ist unsere Belohnung. Avec, les disciples, par exemple, ils n'ont pas reçu des maisons, de l'argent ou des voitures, mais il les a récompensés avec sa personne, avec lui-même. Donc il est notre récompense. And that's why we must believe that he is our rewarder. Deswegen müssen wir glauben, dass er belohnt. Et c'est pour c'est la raison pour laquelle il est très important de croire qu'il est notre récompense. If not, you will never be saved. Sonst wirst du niemals errettet sein. Sinon, tu seras jamais sauvé. It means you are not saved. Das heißt, du bist nicht errettet. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. He rewards you with the salvation you have today. Er hat dich belohnt mit der Errettung, die du heute hast. Il t'a récompensé, par exemple, avec le salut que tu as aujourd'hui. Amen. Amen. And we know. And also, you will not believe you are safe, or you are already safe. It will be hard for you to believe you are already safe. Es wird dann auch schwierig sein, für dich zu glauben, dass du schon errettet bist. Ça sera aussi difficile pour toi de croire que tu es déjà sauvé. Amen. Is Christ as our rewarder is not of expectation. Christus als is of thanksgiving. Mm. Amen. Christus als unsere Belohnung ist nicht etwas, das wir erwarten, sondern etwas, wofür wir Danksagung geben, weil es ja schon passiert ist. Wir sind ja schon errettet. Jésus Christ, comme en tant que notre récompense, c'est pas quelque chose qu'on doit attendre, mais c'est quelque chose qu'on remercie l'Éternel pour parce qu'on est déjà sauvé. And you know, Hebrews 11, verse 6, he said, don't forbid to believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Don't forbid it. That's why it's there. Hebräer 11, Vers 6 steht ganz klar, dass wir nicht verbieten dürfen, zu glauben, dass er die Leute belohnt, die ihn wirklich suchen. Mm. Wir müssen das glauben. Hebräer 11 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être ailleurs, car il faut... Hebräer 11, Vers 6. Are we there, please? Praise the Lord. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Yeah. He is your rewarder. You never. It's like he is the resurrection. You never come to him and remain dead. Because he himself, he does not only resurrect people. He is the resurrection. Amen. And that's why he himself is the rewarder. Amen. He is the reward. Amen. I don't know if you are getting it. Genauso wie die Auferstehung ist. Du kommst nicht zu ihm und bleibst tot, weil die Auferstehung ist. Gibt nicht nur Auferstehung, ist die Auferstehung. Genauso wie nicht nur belohnt, sondern ist die Belohnung selbst. Tout comme Jésus-Christ, il ressuscite pas seulement, mais il est la résurrection. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi savoir qu'il n'est pas seulement la personne qui nous récompense, mais il est la récompense. Amen. Amen. And that is why you believe you are saved. Deswegen glauben wir, dass wir schon errettet sind. Et c'est la raison pour laquelle on croit qu'on est déjà sauvé, qu'on a notre salut. You believe in his reward. Tu glaubst an seine Belohnung. Tu crois en sa récompense. He is your reward. He is your rewarder. À sa récompense. Er ist derjenige, der dich belohnt und ist deine Belohnung. Il est la personne qui te récompense et il est la récompense. Amen. Amen. Mm-hmm. And it is also a part of humility. Humble yourself. Und es ist auch eine Art von Demut, dass du dich demütigst vor ihm. C'est aussi une manière de s'humilier devant le Christ. And it will destroy the spirit of I want to, I want to, I want to. I help you to live in, I already have. Und is somebody getting me? Es zerstört auch diesen Gedanken, diesen Geist von ich möchte, ich möchte. That is the spirit of situation, of what do you call it? In 1 Corinthians 5. Second Corinthians 5. You know, the spirit of that you are, those that are after the flesh, it will help you to live in the spiritual world of Christ. Und es wird dir helfen, in der geistlichen Welt zu leben und nicht weltlich gesinnt, irdisch gesinnt zu sein. Und wenn du irdisch gesinnt bist, bist du situationsabhängig, ne? Bist du situationsgesinnt und lässt dich von Situationen kontrollieren und hoffst auf Dinge. Aber wenn du geistig gesinnt bist, weißt du, dass wir im Geist schon alles haben. Und deswegen lebst du dann halt auch in Danksagung und nicht im ständigen Wollen. Et quand tu sais que Jésus-Christ est ta récompense, ça va t'aider à écarter cet esprit, à rejeter cet esprit de toujours vouloir certaines choses, de vouloir des choses charnelles. Parce que quand tu sais que tu as déjà tout en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de demander, tu ne vas plus être dans l'attente des choses, tu ne vas être plus... Tu seras plus dans l'espoir, mais tu seras déjà dans... Parce que c'est un fait que tu as déjà tout en esprit. Donc ça va aussi t'aider à vivre... dans l'esprit et plus dans la chair. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Amen. We first of all read 18, then we read 17. Look at it here. On va d'abord lire 18 après 17. It says, while we look not at the things which are seen. Amen. You know, we are not looking for any victory to be free. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, wir schauen nicht auf einen Sieg, den wir erhoffen, damit wir endlich frei sind. On n'est pas concentré sur quelque chose qui n'est pas encore un fait. Let me read it. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. 2. Korinther 4, 18. parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Amen. Then in verse 17, it says, for our light affliction, which is but for a moment, whatever situation is for a moment. What is permanent is Christ. Amen. Your victory is Christ. Amen. Your victory is permanent. That your victory is Christ Jesus. Amen. Is somebody getting it? Jede Situation ist zeitlich, aber Christus ist ewiglich. Dieser Sieg in Christus ist ewiglich. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On peut voir aussi que toutes les situations, toutes les circonstances ici sur Terre sont temporaires, mais les récompenses, plutôt les choses divines sont pour toujours, sont éternelles. And also les choses invisibles, pardon. Also Philippiens 4, we have it later, but let us go there now. Philippiens 4. Praise the Lord. Hallelujah. Philippiens 4. For now, we will read from 4, please. From 4 to 6. 4-6. Philippians 4-6. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amen. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Don't live in the life of expectation. Sorgt euch um nichts. Vers 6. Lebe kein Leben der Erwartung. Vers 6. Verse 6. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto him, unto God. By prayer, by saying thank you, you have done it. That is how your request is made unto him. Wir sagen danke, dass du es schon getan hast. You don't tell him to do, you thank him for how he has done it. So ist unser Anliegen kundgegeben. Das ist unser Anliegen, dass wir Danksagung sagen für das, was er schon getan hat. Donc on doit remercier l'Éternel pour les choses qu'il a déjà fait et pas demander les choses à le faire. Et quand on lui remercie pour quelque chose, c'est comme ça qu'on peut dire c'est comme ça qu'on demande à l'Éternel de faire quelque chose. Amen. Amen. We might come here again. Let I will go forward now. You humble yourself and believe all his word. Du demütigst dich und glaubst all sein Wort, sein ganzes Wort. Tu t'humilies et tu crois à toute sa parole, pas certaines choses, mais à toute sa parole. What made Moses the meekest man on earth? Was hat Mose zum demütigsten Menschen gemacht? Qu'est-ce qui a fait de Moïse la personne la plus humble de son monde? Nombre 12. Vierter Mose 12. The Bible called Moses the meekest man on earth. Because Moses believed whatever God says about him. I'm not saying, no, you are not my reward. I don't need anything from you. I don't need any reward. You are not my rewarder. Because I don't want to have anything. You know what people call reward today. Go to number 12. Peter Mose 12. Mose hat alles geglaubt, was der Herr über ihn gesagt hat. Deswegen war er der Demütigste. Er hat es nicht verneint und sich geschämt, weil dieses Kompliment ihm zu viel war und es deswegen aus falscher Demut abgestritten hat, dass er der Demütigste ist. Nee, er hat das akzeptiert. Er hat gesagt, das, was er sagt, was ich bin, das bin ich. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist Demut. Et Moïse était vraiment humble parce qu'il a tout accepté, il a accepté la parole de Dieu. Et déjà, can we read it first? Non, c'est pas vrai, je vais faire mes chansons sur Bazette. Then he said, verse 3 of number 12. He said, now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth. And the greatest part of it is Moses wrote it. Moses is the one that wrote it. Number. In Vers 3 lesen wir, aber Mose war ein sehr... And Moses did not say, I will not write it because he said I'm the meekest. The humility is that he wrote it. Yeah. He wrote it and what the Lord said and did not change it. In Vers 3 lesen wir, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Und das Ausschlaggebende in diesem Vers ist auch, dass Mose selbst das geschrieben hat. Er hat sich nicht geschämt und hat gesagt, nee, das kann ich nicht schreiben, das ist zu viel. Ja. Das sollte jemand anderes, wenn dann überhaupt, über mich schreiben. Aber dass ich das selber über mich sage, das kann ich doch nicht einfach so sagen. Aber das ist halt falsche Demut, das ist halt wiederum Stolz. Ne? Es ist demütig, das zu akzeptieren, was der Herr über einen sagt. Und das hat er ja perfekt bewiesen, dass er sowas aufschreiben konnte über sich selbst. Mhm. Verset 3, or Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Il était patient et humble, et c'est quelque chose que l'Éternel a dit sur Moïse, mais il n'a pas eu cette humiliation du monde, parce que c'est lui-même qui a écrit Nombre, c'est lui-même qui a écrit les premiers 5 livres de la Bible. Et s'il avait cette humiliation de la terre, peut-être il aurait eu honte d'écrire ça, il aurait pu se dire que c'est peut-être hautain de ma part d'écrire ça, mais il s'est humilié devant l'Éternel et il a accepté tout ce que l'Éternel a dit sur lui, et c'est pour ça qu'il a été capable d'être aussi humble, mais humble comme l'Éternel le comprend, et c'est pour ça qu'il a pu l'écrire. Praise the Lord. Hallelujah. To believe you are safe. And not you are going to be saved. Zu glauben, dass du errettet bist und nicht glauben, dass man errettet wird. Amen. De croire que tu es sauvé et pas de croire que tu vas être sauvé sont deux choses complètement différentes. If you believe you are going to be saved, you will pursue his reward. Wenn du glaubst, dass du errettet wirst, wirst du hinter seiner Belohnung sein und nicht hinter ihm selbst sein. Et si tu crois que tu vas être rémunéré, ça veut dire que tu vas suivre cette récompense et pas suivre Jésus-Christ lui-même. Amen. If you believe you are already saved, amen, you will thank him for his reward. Wenn du glaubst, dass du schon errettet bist, wirst du ihm danken für deine Belohnung. You will thank him for his reward. Für seine Belohnung. Donc si tu crois que tu es déjà sauvé, tu vas le remercier, tu vas lui dire merci pour sa récompense. Please, get it, please. Yeah. If you believe you are going to be saved, you will pursue his reward. You will be after his reward. Because you believe you don't have it. You have to make it, you have to satisfy him so that he give it to you. But if you believe you are already saved, it will help you to say thank you. Nur weil du nicht daran glaubst, dass du schon belohnt wurdest und dass du schon errettet bist, wirst du versuchen, dem Herrn zu gefallen, damit du diese Belohnung verdienst. Aber wenn wir glauben, dass wir schon errettet sind, werden wir erkennen, dass es nicht zu verdienen gibt, weil wir schon belohnt worden sind mit ihm selbst. Donc si tu crois pas que tu es déjà sauvé, tu vas essayer de plaire à l'Éternel pour recevoir cette récompense. Mais or que si tu crois vraiment que tu es vraiment sauvé, tu vas seulement lui dire merci pour sa récompense parce que tu sais déjà que tu as tout en lui. He wants you to always thank him for his reward. Er möchte, dass wir uns immer bei ihm bedanken für seine Belohnung. Il veut qu'on lui dise toujours, qu'on se remercie, qu'on le remercie toujours pour sa récompense. Psaume 103. Psalm 103. 103, verse 2. Verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103. Are we there, please? Felix will help us to read. Psalm 103. Let me see it. Praise the Lord. Hallelujah. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was dir die Liebe getan hat. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 103, Vers 2. Verse 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Don't forget his reward. Vergiss nicht seine Belohnung. To help you to bless him. Das wird dir helfen, dem Herrn zu segnen. Somebody gets it. Ça va, n'oublie pas ça, sa récompense, ça va t'aider à bénir l'Éternel. Don't forget to always say thank you for his reward. Vergiss nicht immer wieder Danke zu sagen für seine Belohnung. N'oublie pas de lui dire merci pour sa récompense. The Lord is a rewarder. Should be for you and not against you. Dass der Herr belohnt sollte, die Tatsache, dass der Herr belohnt sollte, für dich sein und nicht gegen dich sein. Es sollte dir kein Stolperstein sein, sondern etwas sein, was dich sogar ermutigt. Et le fait que Jésus, que l'Éternel est notre récompense, doit être quelque chose qui travaille en ta faveur et pas contre toi. You know, in Romans 5, verse 8 and 9, he said, if you can do the much, if he can do the much, he can do the least. That's Romans 5, verse 8 and 9. Vers 8 und 9 steht, dass wenn er das Größte schon getan hat, hat er das Geringste auch schon getan. Et dans Romains 5, 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Donc, ça nous montre que si Jésus-Christ, si Dieu est capable de faire s'il est là pour nous dans des grandes choses, il va aussi être là pour nous dans des petits détails, dans des petites choses. If he can do the much, he can do the least. It means he has done the least. Wenn er das Größte schon getan hat, hat er das Geringste auch schon lange getan. Donc s'il a déjà accompli des grandes choses, ça veut dire aussi que les petites choses sont déjà accomplies. He said, but God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mm-hmm. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. When we were sinners, he loved us. How much more now that we are sons? Als wir Sünder waren, hat er uns geliebt. Wie viel mehr jetzt, dass wir jetzt Söhne sind? Il nous a aimé quand on était encore des pécheurs. Et combien de plus il doit nous aimer maintenant en tant que fils? Amen. Amen. You know, in Psalm 70, we will not go there, but we go to Romans 1:21. Romains 1, verset 21. Romains 1, 21. He said, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. They were not thankful. Ils waren nicht dankbar. Ils étaient pas reconnaissants. It's true, Lord, that he is your rewarder, or he is your reward. He will help you to always say thank you. Amen. Dass er deine Belohnung ist, wird dir helfen, immer wieder Danke zu sagen. Encore une fois, que de savoir qu'il est ta récompense, ça va t'aider à être reconnaissant envers l'Éternel. He wants us to always remember to believe he is a rewarder. It's to help you. It's to help us to always say thank you to him. Ich möchte, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass er ein Belohner ist. Es wird uns helfen, immer wieder in Danksagung zu leben und nicht in Erwartung. Ouais, et l'Éternel veut qu'on puisse vivre pas dans l'espoir, mais plutôt dans savoir connaître ses faits, connaître que savoir qu'il est notre récompense, et ça va toujours nous aider à le bénir, à être reconnaissant. It is not for expectation, but for thanksgiving. Das ist nicht für Erwartung, sondern für Danksagung. Donc, et ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vivre dans l'espoir, mais plutôt pour vivre dans sa grâce. D'être reconnaissant. It's like our confession. We are not confessing to have it. We confess because we have them. Genau wie unser Bezeugen. Wir bezeugen nicht, um es zu haben, sondern bezeugen, weil wir es schon haben. Et quand on confesse quelque chose, on ne confesse pas pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, mais on confesse parce qu'on l'a déjà à travers Jésus-Christ. The religion, no religion, Christianity as a whole, they are confessing it to have it. In the kingdom of heaven, you confess it because you have it. Im Christentum sehen wir Leute, dass, die Dinge bezeugen, damit sie sie bekommen. Ne? Aber im Königreich Gottes, wir bezeugen, weil wir es schon haben. Deswegen ist es der Herr, der durch uns hindurch bezeugt. Dans la religion, par exemple, les gens confessent quelque chose pour l'obtenir, pour l'avoir. Mais dans le royaume des cieux, ça fonctionne pas de la même manière. On confesse parce qu'on l'a déjà à travers Jésus-Christ, on a déjà tout à travers l'Éternel. Praise the Lord. This period of the Holy Spirit is a period of thanksgiving. Die Zeit des Heiligen Geistes ist die Zeit der Danksagung. Philipper 4. Donc, encore une fois, la période dans laquelle on se trouve, la période du Saint-Esprit est la période de reconnaissance, de danksagung. Amen. The period of the Son, the period of the Father was a period of give me, give me. But this period is a period of thanksgiving. Die Zeit des Vaters, die Zeit des Sohnes war eine Zeit der Bitte. You must do it, because he has not come. Weil er noch nicht gekommen ist und das Werk noch nicht vollrichtet hat. But now he has done it. Aber nachdem Jesus said it is finished. Er es getan hat, den Heiligen Geist uns hinterlassen hat, um nochmal das zu versiegeln, was er getan hat, leben wir in Danksagung. Donc, la période de Dieu le Père et la période de Jésus-Christ, la période du Fils, c'était une période où on devait... on devait mal supplier, mais aussi agir pour plaire à l'Éternel. Mais dans la période dans laquelle se trouve, c'est la période de l'action de grâce. Donc, on le remercie pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 4, from verse 1. Philippiens 4, verset 1. Philippa 4, vers 1. He said, therefore, my brethren, dearly beloved, I longed for my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Verse 2. Verset 2. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. I'm talking about two people. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 3. Three. And I entreat thee also, through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Verse 4. Verset 4. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 6, be careful for nothing. Verset 6. Don't allow your heart to be bothered for anything. Lass nicht zu, dass euer Herz sich bekümmert ist und Sorge ist wegen irgendetwas. Ja. Donc on doit éviter que nos cœurs s'inquiètent. Amen. Be careful for nothing, but in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made unto God. And that is how you will have the peace. We'll go there very soon. Let me first say this. Through thanksgiving. Durch Danksagung. À travers l'action de grâce. That's how you have the peace of Christ. So haben wir den Frieden von Christus. C'est comme ça que tu as la paix de Jésus-Christ. Amen. Through thanksgiving. Is how you have God kind of peace. Durch Danksagung haben wir Gottes Frieden. À travers l'action de grâce, tu as la paix de Dieu. Amen. Amen. Through saying thank you, for his finished work. That is how the Holy Spirit helps you to have Christ, his own kind of peace. Remember, he said, my peace I give unto you. Durch die Danksagung haben wir den Frieden von Christus, seinen Frieden, den gibt. À travers l'action de grâce, c'est comme ça qu'on a la paix du Christ. Rappelez-vous, il a dit que je vous donne ma paix. It is not thanksgiving to say you are going to do it. Thanksgiving that your word said it is finished. Und nicht die Danksagung, dass es tun wird, sondern dass es schon getan ist. Notre action de grâce est due à son accomplissement et pas à notre espoir qu'il va l'accomplir. The flesh have its own peace. Das Fleisch hat seinen eigenen Frieden. La chair a sa propre paix. Religious people have their own peace. Religiöse Leute haben ihren Frieden. Les gens religieux ont aussi leur propre paix. Remember when Paul stood to King Stephen, he was having peace. Erinnert euch daran, als Paulus dabei war, als that you have peace Stephanus does not mean is the peace of Christ. Gesteinigt wurde von den Pharisäern. Prove the peace. Als er dabei stand und das gesehen hat, wie ein Kind Gottes gesteinigt wurde, hatte er wahrscheinlich Frieden und dachte, alles läuft nach Plan. Aber nur wenn man Frieden hat, heißt es nicht, dass es von Christus ist. Wir müssen den Frieden, den wir haben, prüfen. Are you getting it? Mm. Quand Paul était présent, par exemple, quand Étienne a été lapidé, il était sûrement aussi dans la paix de ce monde, parce qu'il s'est dit qu'il fait quelque chose de juste, qu'il fait quelque chose pour Dieu, peut-être. Mais là, on peut voir qu'il y a une différence entre la paix de ce monde et la paix de l'éternel. Praise the Lord. You know that you have peace. You know some people are, I don't have peace. Where is the peace coming from? Is it God kind of peace or the flesh? Or religion? Or situation have changed? It's giving you peace. Is somebody getting it? Leute sagen, sie haben Frieden, aber was ist das für ein Frieden? Ist es ein fleischlicher Frieden? Ist es ein Frieden, ein religiöser Frieden? Ist es ein Frieden, der von Situation abhängig ist? Wovon redest du? Et beaucoup de gens aujourd'hui vont dire qu'ils ont la paix, mais est-ce que faut voir maintenant de quelle paix ils parlent? Est-ce que c'est la paix de ce monde ou c'est une paix qui est reliée à leurs circonstances, à les situations, ou c'est la paix du Christ? Prove the peace. Prüft den Frieden. On a vraiment examiné cette paix. Is it Christ? Is it of Christ or just of you? Ist es von Christus oder von dir selbst? Est-ce que c'est une paix qui vient du Christ ou c'est une paix charnelle? Amen. Amen. Then in verse 1 to 3 of John 16. Jean 16, de 1 à 3. He said, these things have I spoken unto you, that you should not be offended. Amen. Amen. Verse 2. They shall put you out of the synagogue. Yea. The time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. They will have peace with it. Are you getting it? Religious peace. Sie werden Frieden mit dieser Sache haben. Sie werden Friede damit haben, dich zu verfolgen, religiösen Frieden. Weil sie denken, dass sie Gott einen Gottesdienst damit erweisen. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc ça vous montre que ils vont même nous persécuter ou même nous tuer et croire qu'ils vont qui vont plaire à Dieu. The peace you are talking about. Et qui sont dans la is paix. Is based on Christ or based on the family? Der Frieden, von dem du sprichst, basiert er auf der Familie oder auf dir selbst? Et la paix que tu as, est-ce que elle est basée sur l'Éternel, sur le Christ ou sur ta famille, ton compte banque? Ta situation, quoi. And in verse 3, he said, and these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Amen. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. In John 14, since we are very close to that very place, John 14, 27. Johannes 14, talk about what Jesus said. Jean 14, 27. He said, peace I leave with you, my peace. Praise the Lord. It's all kind of peace. Mm-hmm. It's what you are to have in everything. Amen. That's why you have to prove the peace. Laissez-moi son Frieden prüfen. Jésus-Christ nous a dit qu'il nous laisse la paix et qu'il nous donne sa paix. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours voir dans quelle paix on se trouve. Amen. My peace I give unto you, not as the world give it. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Praise the Lord. Alleluia. Amen. So now we want to start our message. Amen. Amen. Amen. How to live in Christ, in the faith of the Lord Jesus. Wie wir im Glauben vom Herrn Jesus Christus leben. Maintenant, on va commencer avec le message, comment vivre dans la foi du Christ. You must know that you are another man. Du musst wissen, dass du ein neuer Mensch bist. Tu dois être conscient que tu es une nouvelle créature. Amen. Amen. Know that you are another person, another man. Tu es une nouvelle personne. Tu dois savoir que tu es une nouvelle personne. Amen. Let it be rooted in you that you are another person. Lass zu, dass es verwurzelt, dass du eine neue Person bist. Donc ça doit être vraiment raciné en toi de cette conscience que tu es une nouvelle personne. Because once you come to Christ, you become another person. Wenn du zu Christus kommst, bist du eine neue Person. Amen. Is somebody getting it? Second Corinthians 5:17. Parce que dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit que dès que tu viens vers Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Amen. Yeah, all things, including your body. Alles, auch dein Körper. Amen. Everything. Toute chose. You are another man entirely. Du bist ein neuer Mensch. Even in Old Testament, we go there and see. Donc tu dois savoir que toute chose a été créée de nouveau. Donc que ce soit ton âme ou ton corps, tout a été renouvelé. Until he changes you to become another person, he cannot walk in you and walk through you. Und bis dich ändert, eine neue Person zu sein, kann nicht durch dich und in dir arbeiten. Et tant que tu n'es pas encore une nouvelle créature, il n'est pas capable de vivre en toi. Amen. You know, 2 Corinthians 5:17 says, all things become new, including your body. In 2 Corinthians 5:17, but it is not without you believing. You believe it, you know it's new. You must know that it's new and you believe it. In 2. Korinther 5:17 steht, dass alles neu ist und auch dein Körper, aber du musst glauben, dass alles neu ist. Et 2 Corinthiens 5:17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu dois le savoir, tu dois le croire, parce que si tu ne le fais pas, il n'est pas capable à se manifester en toi. All things have become new. Alles wurde neu gemacht. Are you getting it? Toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Praise the Lord. Alléluia. Again, it is not without you believe. You must believe it. Aber du musst es glauben. Mais encore une fois, tu dois y croire. Without faith, it is impossible. Ohne Glauben ist es unmöglich, dem Herrn zu gefallen. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. But your body is going to tell you that you are still sick. Aber der alte Körper wird sagen, du bist immer noch krank. It's not without a fight. Und deswegen wird es nicht ohne einen Kampf sein. Because your body will tell you you still have me. Donc, faut savoir que ça va pas se passer sans un combat parce que l'ancienne personne, ton ancien corps va se combattre parce qu'il est habitué à cette maladie, il est habitué à avoir des douleurs ou quoi que ce soit. Amen. Weil der alte Körper sagen wird, du hast mich immer noch, ich bin immer noch der gleiche. You know, family, friends, co-workers are going to be looking for the old man. Familie, Freunde, Mitarbeiter. They are going to be looking for the old man. Sie werden nach dem alten Menschen suchen in dir. Et tes amis, ta famille, tes collègues du travail vont toujours chercher l'ancienne personne qui à qui ils sont habitués. Your parents are going to be looking for the old you. Deine Eltern werden nach deinem Are you getting it? Alten selbst suchen. Même tes parents vont chercher l'ancienne créature, l'ancienne personne. Amen. They are looking for the old man to still have relationship with them. Sie suchen nach dem alten Menschen, mit dem sie noch Beziehung haben können. Ils cherchent l'ancienne personne avec qui ils peuvent toujours avoir une relation. Amen. Once you say yes to Christ Jesus, you become another man. Aber wenn Even wir the old. Go to First Samuel. Zu Christus Jesus kommen, sind wir ein neuer Mensch. 1 Samuel. Mais si, quand tu viens vers Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est aussi la même chose dans l'Ancienne Alliance. On va voir 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10. Praise the Lord. Amen. First Samuel 10. 5. We'll read for 5 to 9. De 5 à 9. Amen. Amen. We really go use the life of King Saul to see a lot of things here. Amen. Wir werden das Leben von König Saul nutzen, um einiges zu erkennen. On va utiliser la vie du roi Saül pour comprendre certaines choses. This time is the period was the time that King Saul was going to be anointed. Hier war die Zeit, in der König Saul gesalbt werden sollte zum König. Là on se trouve dans la période où le roi Saül devait être roi. Amen. Where God chose him for the children of Israel. Als Gott ihn erwählt hat für die Kinder Israels. Quand Dieu l'a choisi pour les enfants d'Israël. Amen. He chose, it's coming from him. He chose King Saul for them. Hat König Saul They desire a king, and the Lord chose a king for them. Sie haben sich einen König gewünscht und der Herr hat ihnen einen König ausersehen gegeben. Les enfants d'Israël souhaitaient avoir un roi et Dieu a choisi ce roi pour eux. Are you getting it? Mm-hmm. Though he chose King Saul for them, but King Saul was a problem for them. That is why that something is coming from the Lord does not mean peace for you. Und hat es auserwählt. The question is desire for you or your desire for yourself? Und hat es für die Kinder Israels auserwählt, aber dennoch hat es für sie keinen Frieden bedeutet, sondern eher das Gegenteil von Frieden. Und nur weil etwas vom Herrn kommt, heißt es nicht, dass es Frieden geben wird. C'est peut-être l'Éternel qui a choisi le roi Saül pour les enfants d'Israël, mais ça ne veut pas dire que c'était le désir de l'Éternel pour les enfants d'Israël, parce que une chose vient de l'Éternel, ça veut pas dire que ça va te ramener la paix ou que des choses des bienfaits de ce monde comme le monde le comprend, parce que il leur a donné son roi parce que il voulait avoir un roi, c'était leur désir. Before we read 5 to 9, look at verse 24. So that you know that it is the Lord that chose this king for them. Look at it. Vers 24, da sehen wir, dass der Herr war, der diesen König für sie ausgewählt hat. Et verset 24 nous montre que c'était l'Éternel lui-même qui a choisi ce roi pour eux. You see that? And Samuel said to all the people, see you, he whom the Lord has chosen, that there is no like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king. You see there? God save the king. It's like something I hear today also. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa le cri de vive le roi. You know, they prefer man to be their king and not The only true God to be their king. Ihm war es lieber, dass ein Mensch ein, ihr König ist, statt dass Gott ihr König ist. Pour eux, ils ont préféré avoir un homme comme roi, un être humain comme roi, et pas l'Éternel lui-même en tant que roi. And that's why, please, this prayer is very important. That you know, just pray, Father, if it is not your own desire for me, help me to reject it. Mm-hmm. Don't give it to me. Mm-hmm. I don't want it. Deswegen sollen wir mal beten, dass Herr, wenn es nicht dein Wunsch ist für mich, dann verweigere ich das in Jesus Namen. Ich möchte das nicht. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on doit toujours prier et dire à l'Éternel si c'est pas sa volonté pour nous qu'on le rejette et qu'on veut seulement avoir les choses qu'il a prévues pour nous. From verse 5. Verset 5. After that thou shalt come to the hill of God. Here Samuel is speaking to, he was speaking to Saul. Samuel spricht jetzt zu Saul. Amen. And he said that after that thou hast come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines? And it shall come to pass, when thou art come hither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery and a tabret and a pipe and a harp before them, and they shall prophesy. Verse 6. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. And I hope you are getting it here. He said, the Spirit, once you have the Spirit of the Lord, you are another man. Wenn du den Geist des Herrn hast, bist du ein neuer Mensch. Quand tu as l'Esprit de l'Éternel, tu deviens un autre homme. You are to be aware of it. Das musst du bewusst sein. Et ça, tu dois le savoir. Know the difference between now and before. Kenne den Unterschied zwischen jetzt und vorher. Tu dois connaître la différence entre maintenant et avant. You see something here. Amen. Then in verse 7, he said, and let it be, when these signs are come upon thee, that thou do as occasion serve thee, for God is with thee. Verse 8. And thou shalt go down before me to Gilgal, and behold, I will come down upon unto thee to offer burnt offerings and to sacrifices of peace offerings. Praise the Lord. Oh, yeah. Different types of offering. Do you see them there? Mm-hmm. Amen. Verschiedene Opfergaben. 7 days shall thou tarry till I come to thee and show thee what thou shalt do. Verse 9. And it was so that when he had turned his back to go to Samuel, God gave him another heart. Is somebody getting it? God gave King Saul another heart. Gott gab König Saul ein neues Herz. Dieu a donné un autre cœur au roi Saül. Are you getting something here? In verse 6, talk about another man. Then verse 9, talk about another heart. In Vers 6 gibt er ihm einen neuen Menschen. In Vers 9 gibt er ihm ein neues Herz. Dans verset 6, il a été changé en autre homme. Et dans verset 9, on peut voir que Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you obey Christ's voice, wenn du der Stimme von Christus gehorst, si tu obéis à la voix du Christ, whatever happens, in everything, praise the Lord. Was immer passiert, in allem danke dem Herrn. Donc peu importe ce qu'il arrive, tu dois toujours remercier l'Éternel. You know, it is when you are obeying His voice, And not when you are disobeying his voice. Wenn du seiner Stimme gehorchst, nicht wenn du seiner Stimme nicht gehorchst. Are you getting Mais quand tu obéis à sa voix, pas quand tu désobéis à sa voix. Praise the Lord. Hallelujah. If you are obeying his voice, whatever happens, praise the Lord. Wenn du seiner Stimme gehorchst, egal was passiert, danke dem Herrn. Donc si tu obéis sa voix, peu importe ce qui se passe, ce qui arrive, tu dois glorifier l'Éternel. But it is all based on I'm obeying his voice. Aber alles basiert darauf, dass man seiner Stimme gehorcht. Must be. Mais seulement quand tu obéis réellement à sa voix. Are you getting it? You know, Joseph's natural family, if I live here a little bit. Joseph's natural family. Amen. And Joseph, you know, Joseph is sent to prison. You know, Joseph was holding on to God. But in everything was praise the Lord. I hope you are getting it. Joseph hat wurde von seiner Familie verkauft, aber dennoch hat er sich weiterhin an den Herrn geklungen und deswegen konnte er den Herrn preisen weiterhin. Joseph a été vendu par sa famille, par exemple. Il a toujours tenu à l'Éternel et peu importe les circonstances, peu importe sa situation, il a toujours fait confiance à l'Éternel, il a toujours eu foi en l'Éternel. Amen. You know, Joseph was sent to prison. Are you getting it? Naturally, it was something, it's like a punishment. Natürlich gesehen war das eine Bestrafung, aber es war ein Sieg. Joseph, par exemple, il a été jeté en prison. Et si tu vois ça d'un point charnel, d'un point naturel, tu vas dire que c'est une punition. Mais pour lui, c'était une part de sa victoire. Why was it victory? Because he was holding on to God. Wieso war es nicht? True God. Weil er Gott festgehalten hat. His mind was occupied by him. Seine Gedanken waren umgeben von dem Herrn. Et pourquoi ça a été sa victoire? Parce qu'il a toujours cru en l'Éternel, il a toujours eu foi en l'Éternel et son esprit et ses pensées étaient remplies de l'Éternel. It doesn't matter the outcome. What matters is that we are obeying his voice. C'est égal was das Ergebnis ist, die Hauptsache ist, dass wir seiner Stimme gehorchen. Donc ça vous fait voir que le résultat n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'obéir à l'Éternel. Are you getting it? Amen. It doesn't matter, I'm not trying anything. You can fail 100 times. But what matters is that you are obeying his voice. Wir können 100 Mal versagen. Was zählt, dass wir seiner Stimme gehorchen? Donc tu peux échouer 100 fois. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est que tu obéis à l'Éternel. I hope you are getting it. You know, things might not be working. You know, one time, two times, three times, four times, 100. Don't be doing it. Maybe you're obeying his voice. Continue. Because you are not obeying his voice to change situation. You are obeying him because you are obeying him. Aber gehorchst du seiner Stimme weiterhin? Weil du gehorchst seiner Stimme ja nicht, damit Situationen sich ändern, sondern du gehorchst seiner Stimme, weil du ihm einfach gehorchen willst, weil er es nicht anders verdient hat. Donc il s'agit pas d'obéir l'Éternel pour essayer de changer ta situation, les circonstances, mais plutôt tu l'obéis à l'Éternel parce que il le mérite. Praise the Lord. You know, First Samuel 9. Go to First Samuel 9. 1 Samuel 9. Sorry. If we read from verse 1, if you don't read here, you know, somewhere I'm writing King Saul. Amen. Let us go through some. This is First Samuel 9. From verse 1, please. 1 Samuel 9, verse 1. Samuel 9, verset 1. He said, now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Beshorath, the son of Afia, a Benjamin. A mighty man of power, and had a son whose name was Saul. Is somebody there? Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. He first of all talked about the father of Saul. That's King Saul. Eh? Amen. Mm-hmm. A choice young man and a goodly. And there was none among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than all of the people. Who says King? Praise the Lord. Amen. You remember when Samuel was going to anoint David? He thought it was David's senior brother. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Because of the height. Mm-hmm. The Lord does not see the outside. Mm-hmm. We can also ask Samuel. Your beauty never qualified you for anything before him. David salben sollte zum König und man erst gedacht hatte, dass er seinen ältesten Bruder salben würde, weil sein ältester Bruder groß und breit und stark aussah. Aber Gott hat nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Si on compare ça par exemple avec quand David devait être roi, on a d'abord cru que c'était son grand frère peut-être parce qu'il était grand et beau peut-être, mais pour l'Éternel, c'est pas l'extérieur qui compte, mais c'est l'intérieur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 3. Verset 3. And the axis of Kish's father were lost. And Kish said to Saul, his son, take now one of the servants with thee, and arise, go seek the axes. You know, it's as if it's man that is working here. It's also the man here. Is somebody getting something? Mm-hmm. You know, man can be working. The same time the Lord is also working. Der Mensch kann handeln, aber währenddessen kann auch der Herr handeln. L'homme peut peut-être agir, mais c'est aussi possible que l'Éternel agit au même moment. I hope you get it. You know, it's as if it's a King Saul's father that was looking for something that he lost. Amen. You want to find it, but actually it was the Lord working. Es sah hier so aus, ob Sauls Vater einfach nach etwas sucht, was er verloren hat, aber es war eigentlich der Herr, der im Hintergrund gearbeitet hat. Et là, on peut croire que c'était le père de Saül qui était en train d'agir, qui cherchait quelque chose, or que c'était l'Éternel qui était en train d'agir. The Lord was going to choose a king for the people. Der Herr wollte einen König auserwählen für die Leute. L'Éternel était en train de chercher un roi pour le peuple. Amen. And Kish his son. Then verse 3 again. And the axes of Kish's father were lost. And Kish said to Saul his son, take now one of the servants with thee, and arise to seek the axes. Verse 4. And he passed through Mount Ephraim, and passed through the land of Shasha, but they found them not. Then they passed through the land of Shalim, and there they were not. And he passed through the land of the Benjamin, but they found them not. And verse 5. And when they were come to the land of Saul said to his servant that was with him, come and let us return, lest my father leave caring for the asses and take thought for us. Verse 6. And he said unto him, that's the servant, behold now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man. Praise the Lord. Hallelujah. All that he said cometh surely to pass. Now let us go thither. Peradventure he can show us our way that we should go. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. Then Saul said to his servant, but behold, if we go, what shall we bring the man? You never go to the man of God empty-handed. Du gehst niemals zu meinem Gottesdienst mit leeren Händen. Ich komm. Die Leute tun das heutzutage. Amen. Amen. He said, for the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God. What have we? Is somebody getting something here? Verse 8. And the servant answered Saul again and said, behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver that will I give to the man of God to tell us our way. Do you see something there? Praise the Lord. Before time in Israel, when a man went to inquire of God, does he speak, come, and let us go to the seer? For he that is now called a prophet was before time called a seer. Praise the Lord. Amen. I hope you understand something here. Yeah. Amen. To be a prophet, then is different from to be a prophet today. Damals ist heute was anderes. Amen. Être un prophète dans l'ancienne alliance ou avant n'est pas comparable à un prophète aujourd'hui. Then it was about problem solving. Damals ging es um das Problem gelöst werden. Dans l'ancien, il s'agissait de résoudre des problèmes. Now it's about having Christ. Jetzt geht es darum, Christus zu haben. Mais maintenant,